casse la tête tous. Je suis pas venu à la rescousse. Reprends-tu poil de la bête et on me demande où est-ce la bescousse. Je pars au taf, les yeux plissés par l'insomnie. Gratte des bouts de ma vie entre deux adhésifs pour trouver le cadre comme Tarimi. Pas de bonheur tarifé, on est partout comme ta wifi. Je m'en fous de rouler en féfé. Si t'es tout seul dans ta vie, on veut soulever des trophées en restant simple comme gel. Encore une bouffée de zèbre, ouais, y'a que ça qui m'oxygène. Le cœur gelé comme Simon Phoenix. L'homme devient dangereux quand il renaît comme Barclay à Phoenix. Au côté de ma moitié, mon seul fils. Le BBM, je viens déboîter comme ton moral devant l'huissier de justice. Vas-y, laisse bouffer le cul entre eux. Rien à carrer dans leur jet set. Y'a personne quand le ventre est creux. Que de la rage sous ma casquette. De façon, y'a rien qui change. Sauf la gueule des bouffons sur les billets. On lève les yeux aux anges avec cette impression qu'ils nous ont oubliés. Dans la lumière, y'a pas du bien. La paix sur ce qu'on perd. Et j'arrête de compter vu que j'ai même plus combien. Pas besoin de tous ces trucs. Dans mon cerveau, tous des tracks. Entouré de fils de pute qui nous prennent pour des P4. Dans la lumière, y'a pas du bien. La paix sur ce qu'on perd. Et j'arrête de compter vu que j'ai même plus combien. Pas besoin de tous ces trucs. Dans mon cerveau, tous des tracks. Entouré de fils de pute qui nous prennent pour des P4. La masse sur les lèvres, j'pars conquérir le globe comme Genghis Khan. 12e siècle avec l'empire mongol. On veut nous formater comme des rats de laboratoire. Commission rogatoire, faire qu'ils te portent du masque obligatoire. Qu'ils aillent se faire foutre, je veux pas finir comme Youssouf. Plus de confiance en leur discours, qu'on finisse tous au fond du gouffre. On sait qui est qui et qui fait quoi. Qui sont les fils de Loki parmi les traîtres et les lance-bas, vas-y à quoi. J'attends la vie de personne en période sombre. Quand je me questionne, y'a que mon nom mais du filtré quand le moral plombe. C'est sport de torturer, dis-leur que le rap je t'ai capturé. De niveau comme portugais, pour être ici, si. Pas j'en ai raturé. Dans la lumière, y'a pas que tu viens. Bien souvent tu laisses tes plumes. Dans l'ombre, se contient de moins en moins chaque crépuscule. Dans la lumière, y'a pas que tu viens. Dans la lumière, y'a pas que tu viens. Dans la lumière, y'a pas que tu viens. La paix sur ce qu'on perd. Et j'arrête de compter vu que j'ai même plus combien. Pas besoin de tous ces trucs. Dans mon cerveau, tous des tracks. Entouré de fils de pute qui nous prennent pour des P4. Dans la lumière, y'a pas du bien. La paix sur ce qu'on perd. Et j'arrête de compter vu que j'ai même plus combien. Pas besoin de tous ces trucs. Dans mon cerveau, tous des tracks. Entouré de fils de pute qui nous prennent pour des P4.